Bonjour, bienvenue sur Radio Gémozo, dans la rubrique décryptage de l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. On continue comme chaque mercredi à apprendre des choses, chers auditeurs, chères auditrices, et toujours dans la bonne humeur. Drôle d'expression, questions délirantes, épisode 8, c'est parti. Tout de suite, une expression. Faire son Calimero, se plaindre de tout. Calimero est un personnage... et le personnage titre d'une bande dessinée italienne inventée par les frères Nino et Tony Pago en 1962. Le dessin animé du même nom a été diffusé par les télévisions de nombreux pays dans le courant des années 1960 à 1970. Calimero est le 17e poussin d'une poule qui le renie parce qu'il est noir et donc différent de ses frères et sœurs. Autre signe distinctif, il porte sur sa tête un morceau de la coquille de l'œuf où il est sorti. Si l'histoire est une version moderne du conte du vilain petit canard, Calimero insiste sur le fait de la notion d'injustice. En effet, le vilain petit canard est un petit cygne, il est rejeté parce qu'il n'est pas de la famille. La maman canard qui le chasse n'est donc pas sa véritable mère. À la fin du conte, il surpasse les canards et prend ainsi sa revanche. Calimero est rejeté par sa vraie mère. Il lui restera toujours un poussin noir. C'est un élément déterminant dans son comportement. Les épisodes se terminent toujours par une complainte répétitive de Calimero qui zozote. C'est toujours à moi qu'on s'en prend, c'est vraiment trop injuste. Calimero est ainsi devenu le modèle d'une personne infantile dépressive et plaintive qui se sent en permanence persécutée. En psychiatrie, la dépression de l'enfant a longtemps été ignorée, car elle ne se manifeste pas de la même façon que chez les adultes. Elle est très liée au comportement de l'un ou des deux parents. Mais se traduit paradoxalement par un sentiment de culpabilité de l'enfant. Comme si il pensait que c'était lui le responsable de l'abandon ou du rejet dont il est victime. Je cite, « Une personne avec qui j'avais discuté sur le quai de la gare rattrape les Calimero frigorifiés qui nous sommes sur le chemin de l'ambassadeur. Il nous propose aussi de nous y conduire en voiture. » Véronique Jeannot, tiré du livre Au fil de l'autre, Michel Lafon, 2015. Le personnage Calimero est très représentatif de la difficulté de devenir adulte pour les enfants qui manquent d'affection. La moralité, c'est ceux qui ne peuvent pas sortir de leur coquille ne seront jamais des durs à cuire. C'est le moment de la question délirante. Pourquoi a-t-on des noms de famille ? Le tocard, le prout, poubelle. Je ne suis pas en train de vous insulter. Non, simplement dégrainer quelques noms de famille étranges. D'accord, vous n'êtes pas nombreux à vous appeler comme ça. Et c'est donc c'est le cas, sachez que je ne juge pas. Mais je suis un peu désolé pour vous quand même. Le nom de famille le plus porté en France serait Martin. Ça va déjà mieux. Jusqu'au XIe siècle, les Français ne portaient que des prénoms, quoi. Mais déjà, dès le XIe siècle, face au nombre d'habitants toujours plus élevé en métropole, on s'est dit que ce serait pas mal d'ajouter quelque chose après le prénom, histoire de différencier les gens plus facilement que par un prénom porté par plein d'autres individus. Pour cette question, je me suis renseigné auprès de youtubeurs qui, eux, se sont renseignés auprès de Thierry Chastière, le président de la Fédération française de généalogie. Selon lui, l'apparition des noms de famille est liée aux surnoms que les habitants se donnaient entre eux. Dans une même localité, s'il y avait 15 poils, 12 pierres et 4 marques, il fallait bien les distinguer les uns les autres. L'origine des noms de famille, c'est ça. Maintenant, comment étaient choisis ces noms? On distingue 4 manières principales. La première était de reprendre le prénom de son père, d'où le mot patronyme. Si tu t'appelais Pierre à l'époque et que ton père s'appelait Jean, hop, tu t'appelais Pierre-Jean. Et tout le monde était content. La deuxième consistait à prendre le nom de ton métier comme nom de famille, boulanger, forgeron, chasseur, vous voyez l'idée. La troisième, un brin plus pernicieuse, définit le nom de famille en fonction d'une particularité physique de la personne. Taille, poids, couleur des cheveux. Pierre-Jean, alors Pierre le Grand, Pierre le Gros, Pierre le Roux. Et enfin la quatrième, la méthode pour adopter un autre famille découlait de l'endroit d'où tu venais. Pierre le Breton, Pierre Savoie, voir si tu habitais près d'un point, Pierre Dupont. Maintenant, à vous d'imaginer et de comprendre l'origine du vôtre. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour continuer à apprendre des choses et toujours dans la bonne humeur. Salut !